En Corée, pendant 40 dernières ans depuis la construction de la stèle le 23 mars de l'an 66 du Tutsi 1977, plus d'1 874 400 personnes, y compris militaires de l'armée populaire, travailleurs, jeunes et enfants, ont visité le haut lieu révolutionnaire de Hakdangkol à Pyongyang, où M. Kim Yong-ji, combattant révolutionnaire inflexible, a fondé l'Association nationale coréenne. Le 23 mars marque cette année le centenaire de la constitution de l'Association nationale coréenne, organisation révolutionnaire clandestine anti-japonaise la plus grande dans notre pays et organisation révolutionnaire profondément enracinée chez les masses populaires.